your love and patria. Credito, lo zar est mort, your love lui succède. Que Saint-Michel soit ton base, n'entends-tu pas la trompe qui s'avance? Tu n'es pas le tsar. Je ne suis pas le tsar. Oh, oh, oh, oh, le tsar. Par la qui m'offense, il vaudrait mieux pour lui. Yeah. C'est à frapper ton bienfaiteur lui-même. Que leur crime, c'est toi le véritable auteur. Va flétrir les châteaux dont ils étaient.